une histoire particulière. Je suis sûre que vous avez essayé, mais si, le cri qui tue, le kiaï. C'était le premier épisode de notre histoire particulière, hier, raconté par Delphine Chaume et Laurent Polleret. À travers les super-héros de nos bandes dessinées, comme Dr Justice ou Bruce Lee, la maîtrise du cri qui tue, ou plutôt qui paralyse, n'est en fait qu'une légende. Mais alors, qu'est-ce qui fait du héros un héros? Eh bien, c'est une question d'éthique. Ce qui fait le héros, ce n'est pas la maîtrise du réel, mais plutôt la décision d'utiliser sa maîtrise pour un bon usage, pour faire le bien, choisir le côté clair de la force, en quelque sorte. Avec le second épisode, nous retournons aux origines de la maîtrise pour suivre notre formation au pays des cerisiers en fleurs. Une histoire particulière, les maîtres de l'esprit. Jigoro Kano ou la voix de la souplesse. Un documentaire de Delphine Chaume et Laurent Polleret. C'est une histoire quand même folle, mais encore une fois, il faut imaginer que ce garçon invente le judo à 21 ans. Il a 21 ans et il imagine un outil pour éduquer les gens et pour changer le monde. Parce qu'en fait, la quête de Jigoro Kano, au départ, c'est changer le monde. Et à un moment donné, il se dit, la politique, ça peut pas marcher. La religion, il va vite faire l'expérience que ça peut pas marcher non plus. Et donc il se dit, le seul moyen, c'est de changer les individus un à un. Et l'outil qu'il invente pour ça, c'est le judo. Kano, c'est le nom de sa famille maternelle, qui est propriétaire donc, d'une fabrique de saké, tout près de... Maintenant, c'est un quartier de Kobe, mais ça s'appelle Nada. C'est une famille très riche, une famille opulente. D'ailleurs, quand on voit les photos du petit Kano, on voit qu'il a un sabre. C'est une famille qui a un nom, et c'est une famille qui peut porter le sabre, parce qu'ils ont acheté le droit de porter le sabre. Puis on pouvait... Voilà, c'était l'apanage des guerriers, mais à la fin... L'argent permet de faire beaucoup de choses. Et donc c'est quelqu'un qui va être élevé par des précepteurs et qui va tout de suite avoir une ambition très importante. Lorsqu'il arrive à Tokyo, il est pour la première fois mis en communauté d'une certaine manière. Là, il se rend compte que effectivement sa constitution physique ne lui permet pas de donner toute sa mesure intellectuelle. Il en prend compte très tôt. Il faut dire qu'à l'âge adulte, à l'époque où il sera le plus en forme, de ses propres dires, il fait 1m52, 48 kg. Donc ça donne une idée de l'enfant que ça pouvait être. Et donc il se retrouve avec des gaillards. En plus, les classes d'âge sont un petit peu mélangées. Et donc il se dit, je peux pas donner toute ma mesure intellectuelle parce que je suis bridé par mon physique. Donc dès que je veux parler, etc., je suis rabroué, etc. Et donc à partir de là, il essaye de trouver une méthode qui lui permettrait de surmonter cette faiblesse physique. Et donc, comme il a entendu parler des jujutsu, il se met en quête il voudrait faire cette méthode-là. Mais son père lui dit, c'est complètement archaïque, le temps est passé à autre chose, non, tu n'en feras pas. Bon, il a 10-11 ans, hein, tout ça. Et donc, il va essayer les différents sports occidentaux qui sont en train d'être introduits au Japon, souvent par des expatriés qui, en fait, font ça dans des clubs et puis qui essayent de temps en temps dans des écoles de les mettre. Donc, il va faire de l'aviron, de la randonnée, il va faire même un petit peu de baseball, etc. Tout début des années 70, ça ne le satisfait pas. C'est pas ça qu'il veut. Et donc, il reste frustré comme ça jusqu'à son entrée à l'université, en fait. En 1860, lorsque Jigoro Kano naît, le Japon est en pleine effervescence. C'est le temps de la restauration du pouvoir impérial et celui de la fin des samouraïs. Jusque-là, le Japon était placé sous le joug du pouvoir féodal, régi par un système de classes, et là, il tend à devenir une nation nouvelle, prônant l'égalité des hommes. Les coutumes traditionnelles sont abandonnées au profit de la modernité, voire de l'hypermodernité, en grande partie issue du modèle occidental. La quête de Kano est donc marquée par cette tension entre tradition et renouveau, une quête vers une place nouvelle du Japon dans l'équilibre international et des individus dans une société nouvelle. Le judo, selon Kano, est conçu aussi comme une adaptation sereine à cette société moderne. Kano, il faut bien se rendre compte que c'est un jeune homme qui va rentrer en 1877 à l'université de Tokyo, Alors évidemment, ça, aujourd'hui, ça ne surprend plus personne qu'un jeune homme de 17 ans entre à l'université de Tokyo, sauf qu'il faut se rendre compte que c'est l'année où ouvre l'université, donc il fait partie de la première promotion de l'université de Tokyo, et que c'est la seule université du Japon. Donc c'est l'élite de l'élite, intellectuellement parlant. Et c'est une fois qu'il est rentré dans cette université qu'il se dit qu'il est suffisamment grand pour s'affranchir de l'autorisation paternelle, et qu'il va chercher un dojo pour enfin faire des jujutsu et pouvoir donner toute sa mesure, en ayant un physique qui permet de donner sa mesure intellectuelle. Il a entendu dire que les anciens professeurs de jiu-jitsu, etc., se sont pour la plupart reconvertis comme ce qu'on appellerait aujourd'hui des chiropracteurs. Il se dit que finalement, ça, c'est une bonne façon de trouver un professeur, et donc il fait la tournée des chiropracteurs. On demande, est-ce que par hasard, vous ne seriez pas jiu-jitsuka, et est-ce que vous pourriez m'apprendre? Et il finit par trouver un professeur qui pratique une école de jiu-jitsu particulière qui s'appelle la Tenjin Shinryu. Et là, non, c'est pas du tout la même déception, au contraire. Ça va être une révélation. Il se retrouve passionné par ça, il fréquente le dojo tous les jours. Et puis il va pas avoir de chance, puisqu'au bout de 2 ans, son premier professeur va mourir. Et il va trouver un deuxième professeur de la même école, mais qui va mourir également au bout de 2 ans. Donc il va pouvoir faire 4 ans en fait, de Tenjin Shinryu, donc de 1877 à 1881. Mais la raison pour laquelle il ne rencontre pas cette déception, finalement, c'est que le jiu-jitsu, c'est une discipline physique hein, qui engage tout le corps. Donc il va en fait... L'image qu'il avait de la chose va en fait s'avérer la bonne, c'est-à-dire qu'il va se retrouver transformé physiquement. Mais ça ne le surprend pas, puisque c'était l'effet recherché, c'était ça qu'il était venu y trouver. Et donc il est très content de ça. Mais c'est pas ça qui va le bouleverser le plus, c'est qu'il dit souvent que c'était quelqu'un qui était irascible, qui se définit lui-même comme quelqu'un d'irascible, quelqu'un qui refusait la présence des autres, qui fuyait la présence des autres, qui était facilement colérique. Et au fur et à mesure de la pratique de jiu-jitsu, il se surprend lui-même à être capable d'accueil de l'autre, d'être ouvert à la discussion, même d'y prendre plaisir. Et il analyse ça comme un effet secondaire de sa pratique des jiu-jitsu, et qu'il le surprend d'autant plus que personne lui a jamais parlé de ça comme conséquence de la pratique. Et là, il se dit, mais là, il y a un trésor. Il y a vraiment quelque chose de formidable dans ça. Et c'est pas le problème technique, c'est pas la transformation physique, c'est la transformation du caractère, de l'ouverture à l'autre, qui est vraiment le bien le plus précieux de ces arts anciens. Quand on lit les textes de Kano, on s'aperçoit en fait qu'il a un problème, Kano, c'est qu'il est petit, il est malingre, etc. Et qu'il y a un texte célèbre où il dit « moi je n'ai qu'une force 4 ou 5, et qu'est-ce que je peux faire lorsque je trouve une force 6, 7, 8 face à moi ?» Il dit « c'est simple, soit je m'entraîne pour acquérir une force supérieure, c'est-à-dire j'ai quelqu'un de force 7, j'acquiers une force 8, mais alors qu'est-ce qui se passe si j'ai quelqu'un qui se présente qui a une force 9 ou 10 ?» Il faut que j'aille de force 11, et c'est sans fin. Je trouverai tout le temps quelqu'un qui sera plus fort, soit parce que physiquement il est plus fort, soit parce que moi-même, avec l'âge, j'ai ma force qui diminue. Donc il dit que c'est pas le bon choix. Il dit c'est simple. En fait, cette personne d'une force supérieure, il faut que je l'amène dans une position où il ne peut pas l'utiliser. C'est-à-dire que, évidemment, s'il est sur un pied au bord d'une falaise, il a beau être de force 10, 15, 20, si je le pousse, il va tomber. Ça, c'est évident. Et je n'aurais pas besoin, pour faire cela, d'une grande force. J'aurais même besoin que d'une partie de ma force. Et ça, c'est très important, parce que en n'utilisant qu'une partie de ma force, je vais pouvoir avoir plusieurs combattants qui vont venir, et à chaque coup, je pourrais m'en sortir. Et si on va plus loin, On peut se dire qu'en utilisant qu'une partie infime de sa force au meilleur moment, on peut arriver à défaire quiconque. Mais c'est pas facile. Jigoro Kano, quand il a créé le judo en 1882, en fait, a inventé le judo à partir de tout ce qu'il avait appris du jujitsu, qui est les fondements du judo, mais qu'il a débarrassé de toutes les prises dangereuses pour qu'il puisse être pratiqué par tout le monde à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, dans un contexte protégé. Et la différence que je fais, moi, avec les autres arts martiaux que j'ai pratiqués, je fais pas mal de pieds-points, je fais du taekwondo, je fais de la boxe française, je fais plein de la boxe thaïlandaise, des choses comme ça, c'est qu'en fait, avec le judo, on est beaucoup plus proche de la réalité que dans ces autres arts martiaux. C'est-à-dire que dans un entraînement de boxe, si on frappait vraiment, en fait, les élèves partiraient le lendemain. Enfin, ils ne reviendraient pas, parce que à partir avec le nez cassé ou avec. Donc, on s'entraîne à faire comme de vrai, mais sans faire vraiment, parce que c'est pas possible, en fait. Que le judo permet l'expérience de la réalité. C'est-à-dire, quand il y a une projection judo, c'est pas une demi-projection. C'est une vraie projection. C'est pour ça que la première chose qu'on apprend à un judoka qui débute, c'est de chuter. C'est de savoir chuter. Parce que la première chose qu'on apprend quand on fait du judo, c'est chuter. On ne sait pas faire, donc de toute façon, on chute. Quand on fait des randori, on chute parce que les autres sont meilleurs que nous, donc on chute. Donc c'est la base. Et ensuite, pour pratiquer, il faut savoir chuter. Parce que les prises que l'on pratique ou qui sont pratiquées sur nous, le sont vraiment. Chuter, c'est effectivement perdre la face, entre guillemets. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce que tous les barbares faisaient quand ils conquéraient un pays. Ils prenaient les statues, ils les renversaient face contre terre. La chute, c'est très difficile. C'est un moment, on part parfois de mort symbolique, en quelque sorte. Et alors, déjà, ce qui est important, c'est non seulement la chute, mais c'est de voir qu'on se relève. Donc, en fait, cet échec est source de progrès. Et la chute telle qu'elle est envisagée dans le judo est indissociable du progrès. Lorsque Kano a mis les chutes au centre du judo, c'est justement pour permettre la répétition de l'expérience. Je projette, la personne se relève, je peux réessayer ma technique, je peux réessayer jusqu'à l'affiner, jusqu'à réussir. Donc, c'est pas du tout vu dans une perspective humiliante, mais c'est vu dans une perspective de progrès. Et donc, la première chose qu'il faut enseigner aux gens, c'est que pour réussir, il faut accepter l'échec. Il faut accepter de perdre. Et c'est peut-être une des leçons du judo qui est vraiment particulière, c'est que quand vous allez au foot, on vous dit pas « Alors, tu vas perdre 3-0. » Non, on commence pas par ça. On commence à vous dire « Le but, il est là, il faut mettre le ballon dans la cage. » Or, les enfants, on leur dit « Il faut que tu comprennes que déjà, tu vas tomber. C'est normal, il est plus grand, il est plus fort, il a plus d'expérience. Tu vas tomber, mais c'est pas grave. » Parce que tu vas te relever et ton but, ça va être toi, après, de le faire tomber. Mais si tu n'acceptes pas de tomber, et moi je fais parfois, justement pour éviter ça, le concours de la meilleure chute. Et si je sais bien chuter, je suis un bon huquet. Donc je peux être un bon partenaire. Et si je suis un bon partenaire, eh ben, l'autre va pouvoir progresser. Mais si l'autre progresse, il va avoir à cœur que moi-même je progresse. Donc c'est un échange, on va rentrer dans l'échange. Mais chuter, ça veut aussi dire qu'on a confiance dans l'autre. On accepte de lui prêter son corps, mais il y a quand même des conditions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit un fou furieux qui tombe, comme on voit parfois dans certains dojos, où Tori ne se préoccupe pas de Uke. Et ce que je dis aux enfants qui sont trop brutaux, c'est que ils vont plus avoir de copains. Parce que le gars sympa qui veut bien chuter une fois, ok, mais si à chaque fois il met 15 jours pour revenir parce qu'il a eu mal, très vite, il va être montré du doigt et on va lui dire « Non, non, nous, on ne fait pas avec toi. » Et donc, il faut se préoccuper de l'autre. Le fait que l'autre accepte la chute engage la responsabilité de celui qui le fait chuter, de Tori, en fait. Donc, c'est un échange de confiance et de responsabilité. L'éducation fut le centre névralgique de la vie de Kano. En 1916, il déclare « Lorsque j'étais jeune, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai d'abord songé à devenir premier ministre ou millionnaire, mais je savais que ces projets ne pourraient jamais me donner pleinement satisfaction. J'en vins à la conclusion que l'éducation était la seule chose à laquelle un homme pouvait consacrer sa vie entière sans jamais éprouver de regrets. Plus tard, il demande à ses élèves et aux instructeurs d'être irréprochables moralement, car le judo est un outil du développement de l'être. L'éducation morale d'un homme doit profiter à 10 000 autres. L'éducation d'une génération embrasse des centaines de générations, écrit-il encore dans un de ses poèmes. Sans doute parce qu'il pensait qu'un modèle éducatif tel que le judo devait permettre à des individus exceptionnels de se révéler. Individus qui seraient peut-être restés dans l'ombre, inconnus ou invisibles sans cela. On voit et on parle depuis tout à l'heure de Kano comme étant le fondateur du judo, ce qui est vrai. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que le judo, ça a été l'œuvre de sa vie, hein, mais ça a été qu'un des aspects de sa vie, puisqu'il a été haut fonctionnaire, il a longtemps, parce que sa carrière, il a fait comme directeur de l'école normale supérieure de Tokyo, qu'il a été membre des commissions ministérielles dans l'éducation, etc. Donc c'est vraiment, et c'est aussi le fondateur du comité olympique japonais. Donc c'est vraiment un homme très complet, avec une carrière à la fois publique et privée très très importante, et que le judo finalement n'est qu'un des aspects de sa vie. Et donc là, on est en mai 1882 lorsqu'il va fonder le Kodokan Judo, donc dans ce petit temple qu'il loue, mais il fonde en même temps deux autres écoles. Une qui est une école purement intellectuelle et dans laquelle il emploie ses anciens camarades de l'université de Tokyo, avec cette idée qu'eux, ils ont eu la chance d'avoir une éducation très complète et à la pointe intellectuellement, et que donc ça fait partie de la logique de retransmettre. Et donc il y a beaucoup d'entre eux qui vont être soit ministres, soit après des grands professeurs de l'université de Tokyo, qui en fait ont fait leurs premières armes dans cette école qu'ouvre Kano en 1882, et ils ont 21-22 ans. Et il ouvre une autre école qui s'appelle le Kano Juku, d'ailleurs par l'école privée Kano, où en fait il recueille des jeunes, des ados qui sont un peu en rupture avec leur famille, notamment des familles qui sont amies avec son père, qui ne savent pas quoi faire de ces jeunes, et donc il confie à Kano, qui semble avoir des idées, et qui seront ses premiers cobayes pour sa méthode de judo aussi. Donc en fait, le judo ne lui rapporte rien, ça lui coûte, au contraire. La première année, ils sont 8, la deuxième année, ils sont 6, et ce n'est qu'au fur et à mesure que les choses vont prendre un peu, mais il va toujours, jusqu'à très tard en fait, hein, il va toujours refuser de faire payer pour les cours de judo. Il va finir par accepter à un moment, donc il finance tout lui-même, il va finir par accepter à un moment de prendre une sorte de cotisation, mais c'est pas pour les cours, c'est pour l'entretien du bâtiment, c'est pour l'entretien du dojo, mais avec cette idée que on ne refuse pas de l'eau à quelqu'un qui a soif. Donc quelqu'un qui vient apprendre, eh bien, on lui offre l'enseignement, on a eu la chance d'en profiter, on l'offre. Ce qu'on ne mesure pas complètement aujourd'hui, c'est à quel point effectivement Kano est en fait un iconoclaste. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous me demandiez si la méthode prend tout de suite. Non, elle ne prend pas au début pour deux raisons. C'est-à-dire que il n'est pas reconnu par le milieu intellectuel parce que c'est un truc physique là comme ça, puis c'est le truc de l'époque d'Edo. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée de se rouler par terre en pyjama quand même, moi soyons sérieux. Son milieu intellectuel ne le reconnaît absolument pas là-dedans. Donc, ça c'est lubie de Kano quoi. Et à l'inverse, le milieu des jujutsu le rejette aussi parce que dit mais c'est quoi ce freluqué, il appelle le licencié puisque c'est le donc avoir une licence c'était le summum, c'est quoi ce blanc-bec intellectuel qui vient nous donner des leçons sur la façon de faire tomber quelqu'un quoi. Enfin et donc en fait des deux côtés il se fait des ennemis parce que effectivement comme je dis il garde le jiu par respect des anciens en disant il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et en même temps, il casse tout. C'est-à-dire qu'il casse la méthode. Il dit qu'il faut faire une synthèse. Les trucs qui ne permettent pas la pratique ou qui ne lui semblent pas adaptés, il les élimine. Et il fait passer toutes les techniques qu'il reçoit, celles qu'il reçoit directement des différents professeurs qu'il a pu avoir ou qu'on a pu lui donner, ou celles qu'il voit dans les rouleaux de transmission, au filtre de ce qu'il appelle la rationalité. Il se définit lui-même comme quelqu'un d'extrêmement rationnel. Et donc globalement, tout ce qui ne répond pas à des principes qui soient mécaniques, anatomiques, physiologiques, il le rejette. Il l'enlève de sa méthode. C'est d'ailleurs ce qui va séduire la sphère intellectuelle française. Si aujourd'hui on a une école très particulière, on a un rapport au judo très particulier en France par rapport à tous les autres pays, occidentaux ou non d'ailleurs, c'est dû à cette rencontre intellectuelle entre une méthode et des gens comme par exemple Paul Bonnet-Maury qui vont être fascinés, donc qui sont des physiciens de très haut niveau et qui vont être fascinés par le fait qu'on peut faire avec le corps ce qu'ils ont avec leurs équations dans la tête. Donc donc c'est quelqu'un qui effectivement applique finalement des méthodes qui sont extrêmement modernes, et on pourrait dire effectivement une sorte de prisme occidental qui est de passer un héritage au filtre d'une vision rationnelle. Donc ça, pour ça, c'est vraiment un iconoclaste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous dire que voilà, c'est traditionnel, c'est toujours amusant, puisque c'est toujours la reconstruction de la tradition à peu près à la fin du 19e siècle, mais qui en fait correspond à une rupture totale avec ce qui précède. Judo, c'est la voie. Alors, judo veoyu, c'est la voie à suivre. C'est ce que ça veut dire, judo. La voie de la souplesse, après la question, c'est est-ce que c'est la voie de la souplesse ou est-ce que c'est la voie de l'adaptation ? Ou est-ce que c'est la voie de la souplesse dans le sens de souplesse intellectuelle, c'est-à-dire être capable de s'adapter ? A priori, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que ce que c'est censé apprendre aux gens, hormis de faire du judo, c'est aussi à s'adapter dans le monde. À ne pas buter contre un obstacle, mais à savoir le contourner. C'est ça, normalement. C'est-à-dire que le but ultime pour Jigoro Kano du judo, c'est quand on est capable de mettre les principes du judo en action dans la vie réelle. Et pas seulement sur le tatami. Et ça, c'est une quête longue et difficile, mais qui est passionnante en même temps. En même temps, éviter les conflits, utiliser la force de l'adversaire pour soi, enfin s'en servir plutôt que de se heurter contre, ça pourrait donner des idées dans plein de domaines. Il y a deux éléments à croiser. Il y a à la fois Kano qui est en train de réfléchir à cette idée du jiu, c'est-à-dire d'accompagner le mouvement. Donc si on me tire, je pousse, si on me pousse, je tire. Alors, donc j'amplifie l'action du partenaire, ça va plus loin que ce qu'il imaginait, et ça je vais profiter de cette force, puisque quand on applique une force quelque part, bien, en fait ça crée une faiblesse là où on l'appuie. Si vous poussez une voiture et que tout d'un coup la voiture démarre, vous êtes emporté par votre élan, c'est ça le principe finalement de jiu dans cette logique-là. Encore une fois, il faut revenir à la personnalité qui est une personnalité intellectuelle, qui a une approche du monde intellectuel de Kano, qui est de dire, eh bien, si j'ai un problème, je vais trouver par l'intellect une solution. Les jiu-jitsu lui conviennent bien dans cet élément-là, puisqu'il se dit, ouais, mais si le partenaire m'oppose telle résistance, finalement, dans mon catalogue technique, je dois pouvoir trouver une technique qui permet de se débarrasser du problème. Et c'est d'ailleurs une expérience qu'il va faire très concrètement dans son premier dojo, qui est donc sous la direction de Fukuda, et c'est pas son premier professeur. Il y a un élève dans le dojo qui lui pose toujours un problème, et il n'arrive vraiment pas à trouver la solution. Et il va donc se rendre dans une bibliothèque, consulter les ouvrages de lutte occidentale, et là il va découvrir une technique, et il va retourner au dojo, et il va l'appliquer, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, cette technique existe toujours dans le judo, elle s'appelle kataguruma, mais ça, c'est complètement la mentalité de Kano. C'est-à-dire, j'ai un problème, il doit y avoir une solution. Si je ne l'ai pas encore, c'est que je vais chercher, je vais la trouver, et je vais pouvoir l'appliquer. Jigoro Kano est parvenu avec le judo à déconstruire la scission occidentale entre le corps et l'esprit, liant leur destin de manière indéfectible. Il a également tenté de montrer que les destins des individus et celui de la société dans laquelle ils évoluent sont étroitement imbriqués et que l'un rejaillit inéluctablement sur l'autre. Il faut faire corps, en quelque sorte. Né entre deux époques, il a eu à cœur d'abolir les frontières que les êtres pensent indépassables, il a jeté des ponts entre le Japon et le reste du monde et montré les chemins de traverse au cœur des principes fondamentaux du judo. Mais après, dans le judo, ce qui est passionnant, c'est que on peut ni prétendre apprendre le judo à un élève, ni même prétendre apprendre son judo à quelqu'un. On peut essayer de lui montrer, mais chacun a des particularités, des envies, des obsessions, des trucs qui lui sont propres. Il y en a qui sont très offensifs, il y en a qui vont être plus défensifs. Les grands professeurs sont ceux qui sont capables de s'adapter à leurs élèves, en fait. À dire, voilà, tiens, tel élève, il a ces qualités-là, il faut que je l'aide à aller là, plutôt que de l'obliger à faire mon judo, qu'il sera peut-être jamais capable de reproduire. Parce qu'en plus, c'est extrêmement frustrant. Si par exemple on a des aptitudes pour faire des seonage et pas faire des techniques de jambes, et qu'on a un professeur hyper fort en technique de jambes, et qui nous impose de travailler ces techniques de jambes, on va se sentir merdique, alors qu'on pourrait se sentir bien mieux en pratiquant des choses qui nous conviennent mieux. Donc ça, c'est toute la problématique. C'est que, oui, il y a autant de judo, mais pour ça, il faut qu'il y ait des professeurs qui soient suffisamment ouverts pour dire « Je te transmets les bases du judo, voilà comment on doit faire une prise, pour passer de ceinture blanche à ceinture jaune, etc. » Et puis à un moment donné, je t'aide à développer ton judo. Il a résumé à la fin de sa vie la philosophie du judo en disant Jitakyoe Zenokuzanyo, c'est-à-dire la meilleure utilisation de l'énergie et puis entre elles la prospérité mutuelle. Ça peut apparaître un peu paradoxal. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, si on réfléchit un peu, si on utilise au mieux son énergie, eh bien ça aboutit à l'entraide à la prospérité mutuelle. Pourquoi ? Parce que je prends l'exemple d'une maison. Si vous construisez votre maison, la première activité, la première chose que vous allez faire, si vous réfléchissez à le faire de manière optimale, vous allez acheter ce qu'il faut, les matériaux, etc. Et vous allez réfléchir à la façon optimale de les agencer. Et puis, à un moment donné, vous allez arriver à l'électricité, à la plomberie. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit vous repartez au cours pour savoir comment faire de l'électricité, comment faire la plomberie, etc. Soit vous faites appel à quelqu'un d'autre. Et là, la meilleure utilisation de l'énergie, c'est de faire appel à quelqu'un d'autre. Mais appel à quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'il va venir ? Plusieurs possibilités, soit la coercition, vous mettez un revolver sur la tête et vous lui dites « Attends, tu viens sur le chantier et tu me fais mon électricité. » Mais c'est peut-être pas la meilleure utilisation de l'énergie parce que dès qu'il n'y aura plus le revolver, il va partir, hein, ça c'est sûr. Donc, et vous, pendant ce temps-là, vous ne ferez rien parce que vous serez avec le revolver. Deuxième possibilité, je le paye, c'est ce qu'on fait en général. Alors oui, mais si je n'ai pas l'argent, comment je vais faire ? Je vais essayer d'en gagner. Je vais passer tout le temps à en gagner pour, à la fin, pouvoir le faire venir. Est-ce que c'est la meilleure utilisation de l'énergie ? Pas sûr. Et pour Kano, la meilleure utilisation de l'énergie, c'est que la personne ait un intérêt à venir chez vous. Si elle a un intérêt à venir chez vous, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, elle vient gratuitement. Et deuxièmement, elle a envie de venir et de vous faire plaisir et de faire les choses. Pourquoi ? Forcément, parce qu'il y a une contrepartie. Une entraide qui va permettre ses prospérités. Et ça, c'est une règle de base que tout le monde connaît, qu'on a oublié, mais cette entraide et cette prospérité, c'est ce qui fait le fondement de la vie sociale. Moi, c'est la problématique que j'ai eue au cours de ma carrière de judoka avec les âges. C'est-à-dire que quand on dépasse 30, 35, 40 ans, on arrive à un moment où on ne peut plus utiliser de la même manière sa force et sa vitesse. Donc on est obligé de devenir, si on veut rester au même niveau, on est obligé de devenir plus efficace avec ce qui nous reste. Donc ça, c'est une recherche qui n'a pas de fin. Et non seulement c'est une recherche qui n'a pas de fin, mais on peut se dire qu'à partir du moment où on accepte justement qu'on va diminuer physiquement, mais qu'il y a un autre moyen de compenser ce vieillissement par une technicité plus grande, bien si au cours des ans, je peux compenser toute ma perte de force, si je peux les compenser par une technicité ou une façon de faire les choses différente, je ne vieillis pas. Je ne vieillis pas. Donc ce que nous propose Kano, c'est un pari faustien en fait. C'est la jeunesse éternelle. On peut rester jeune, si on considère que la jeunesse c'est de pouvoir faire toujours les mêmes choses, très très longtemps. Et moi c'est mon Graal. Avec cette optique-là, bien, je pense qu'effectivement, on peut énormément retarder les effets du vieillissement sans avoir besoin d'aller dans un laboratoire à Los Angeles ou je ne sais où, ou prendre des médicaments tous les jours. C'était Une histoire particulière, Les maîtres de l'esprit, Jigoro Kano ou La voix de la souplesse, un documentaire de Delphine Chaume et Laurent Polleret. Avec, dans l'ordre d'apparition, Franck-Olivier Laferrère, Yves Cadeau et Frédéric Dampac. Prise de son Mathieu Perrault, Raymond Albouy, Youtou Diego Hac Lopez. Mixage Catherine Dereté. Une histoire particulière, c'est fini.